cache sa gloire dans une enveloppe de la honte. Son nom est éternel. Alléluia. Nae kulusue, babwa kelie soi, ekoti anzube na moto, zambe na bomo yandi maki kosamba. Sete na maboko e, lisekwa e batama kande wana, ote biso bato na mokili. Tozo abomo na pasi na ngae isi kankolo animoni saka na bitumba na boloko na yo na minyo isi kankolo animoni saka. Mafuta ya nzoye bima kati na kosie. Eba wala bisume, ya Davide na Goliateo. Wanande sika botombola mi ya Davide bomba maki. Mbaye ngebeni, mingi bale kaka na moto, na moto e. Moninga kobanga te soki omoni momoi na yo bituma e bituma eleki ozwa nyonso na pasi nyonso na pasi e. Bomo ya moyenge benezaka ya petete nyonso yaka na fuya douleur. Mais, on est bien allé la bande à tous à la boloko. Tiens, nickel en colo. À tous à malade, il n'a pas de l'hôpital. Comme il tombe sa tête. N'aie pas de tout mal à l'aise que l'hiver n'a pas de à la mi-femme. Yo, comme à l'obaye, il y a un bébé qui va te mettre en colo. Batana nkuma betaka njambi wena kakabawa nkuma Kamangunate abitu matere misaka kankoro